Azul, votre émission Inaslien, chaque samedi de 21h à 23h. Sur l'audio de la radio 89.5 FM ou sur www.radiodio.org. Radio Dio 89.5 et radiodio.org. C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. Samedi 28 décembre 2024, il est midi, à l'écoute de Radio Duo. Thierry pour vous accompagner jusqu'à 13h. Ravi de vous rejoindre avec Thelma à la technique pour vous présenter l'épisode 4 de cette ultime roulette russe de l'année 2024 en ce beau samedi ensoleillé. Vous écoutez la nouvelle émission musicale et mensuelle que vous aurez le plaisir, j'espère, de retrouver en 2025. Ça se passera comme d'habitude, le quatrième samedi de chaque mois, de 12h à 13h, sur le 89.5 de la bande FM dans la région stéphanoise et partout dans le monde sur le www.radiodio.org. Pour les retardataires, vous avez maintenant également à votre disposition l'audioblog Arte Radio. Vous cherchez la petite loupe et vous tapez Roulette Russe Radio Duo. Alors, pour celles et ceux qui découvrent cette émission, qu'est-ce qu'on écoute d'une façon générale dans Roulette Russe? C'est une programmation majoritairement pop, indie rock, allant des années 70 à nos jours. Nous accordons également une place régulière à la scène française dans une parenthèse intitulée Qualité France. Et bien évidemment, nous vous sélectionnons quelques nouveautés soigneusement triées dans l'actualité du moment. Le tout parsemé de quelques bizarreries. Et si je vous dis que mon mentor, début des années 80, s'appelait Bernard Lenoir, ça doit vous mettre sur la voie. Mais je m'arrête là. Je ne veux pas tout vous dévoiler. Un seul mot d'ordre, cultivons ensemble nos différences et nos coups de cœur. Voilà, vous savez tout, ou presque. Alors, embarquement pour Roulette Russe, épisode 4. Good morning, Vietnam! Some folks are born made to wave the flag. Woo! Fortunate Son, The Creedence Clearwater Revival, un classique de la fin des années 60, une fois n'est pas coutume dans la programmation de Roulette Russe. On démarre donc Plan B, cet épisode 4, à la façon de Robin Williams dans le rôle d'Adrian Connor, le soldat animateur radio dans le Good Morning Vietnam de Barry Levinson en 1988. Ce film raconte l'histoire d'un DJ américain complètement déjanté, engagé en 65 dans la guerre du Vietnam et qui s'attire l'admiration des GI grâce à son humour corrosif, ses imitations de Nixon et ses programmes musicaux qui swingent. Fortunate Son est extrait de Willie and the Poor Boys, c'est le quatrième album des Creedence, qui est paru en 69 et produit par John Fogerty, auteur, compositeur, chanteur et guitariste du groupe. Immédiatement, le titre remporte un succès rapide et immédiat. Creedence y déroule son rock irrésistible à base de guitares acérées et de mélodies entêtantes. Poursuivons ensemble le programme d'aujourd'hui et à cet instant de l'émission, je vais peut-être décevoir un certain nombre d'entre vous. Je m'explique. À cette période de l'année, contrairement à de nombreux médias spécialisés, eh bien, je ne vais pas vous proposer ma sélection des meilleurs albums de l'année. D'abord, je vous avoue bien franchement que je n'ai pas écouté tout ce qui est sorti ces 12 derniers mois. Et puis, pour être totalement transparent et honnête avec vous, j'ai une poussée de boutons d'urticaire quand on me demande de classer la musique que j'écoute. Mes albums préférés sont ceux qui me touchent, pour une raison ou pour une autre. Je peux écouter quelque chose que je sais être influent et musicalement impressionnant, mais si ça ne me procure aucune émotion, alors quel intérêt ? Bref, à une époque où l'accès à toutes sortes de musiques n'a jamais été aussi facile, mon classement finalement ne regarde que moi et n'intéresse personne, sauf si j'étais reconnu depuis des années comme un passeur de musique dans un groupe important d'individus. Et objectivement, ce n'est pas le cas. Donc, poursuivons. En revanche, j'ai un premier cadeau de fin d'année pour vous, chers auditeurs. Je vais vous faire écouter une nouveauté annoncée pour le 10 janvier 2025. Franz Ferdinand sera de retour avec un sixième album studio baptisé The Human Fear. Alors, sans plus tarder, écoutons un premier extrait, déjà publié par le groupe. Audacious, Franz Ferdinand. C'est dans Roulette Russe jusqu'à 13h. Here we go with riff 1. Did you ever get the feeling that there's something come undone? An unreeling in the seeming, the stitching gone. Till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. I could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Carry on, and don't go blaming. Did you ever get the feeling that your world has come undone? No revealing of a reason to carry on. When hey there, it's there. We'd ain't just in there, ready any time to come along. Toujours à l'écoute de Roulette Russe jusqu'à 13h sur la plus impertinente des radios dans la région stéphanoise. À l'instant donc, Audacious, le nouveau Franz Ferdinand qui sortira en janvier prochain. C'est le premier cadeau de Roulette Russe. Alors, il faut bien admettre qu'entre Franz Ferdinand et la France, c'est une histoire d'amour qui dure depuis une vingtaine d'années. Dès leur premier album en 2004, Les décharges électriques décochées par ces Écossais ont donné envie aux Froggies de bondir et de monter le son, notamment avec le gigatube Take Me Out. Une histoire d'amour concrétisée par un bébé, celui d'Alex Capranos, le charismatique chanteur du groupe, avec Clara Luciani, un royal baby de la pop. C'était la petite séquence people de cette émission. Un amour qui s'incarne aussi en 2020 dans la reprise de Summer Wine, un cover langoureux entre les parents sur le titre iconique des 60s signé Lee Hazlewood, Summer Wine, vous avez reconnu. Alors, pour revenir sur le plan purement musical, Franz Ferdinand est l'un des groupes les plus en vue, les groupes britanniques les plus en vue, toujours en activité à ce jour. Ça représente plus de 10 millions d'albums vendus, 2,5 milliards de stream quand même, 14 albums de platine, des nominations aux Grammy Awards et 6 millions de billets vendus pour leurs concerts dans le monde entier. Ils ont d'ailleurs annoncé une nouvelle tournée européenne pour ce début d'année 2025 avec une date parisienne à la Cigale le 27 février, mais ne vous précipitez pas sur vos ordinateurs, c'est déjà complet. On poursuit avec un groupe qui lui aussi vient de publier un nouvel album au mois d'avril dernier. Capricorn Vampire Weekend sur le 8-8 à la façon belge, 9-5, la meilleure des radios à Saint-Étienne. Capricorn Vampire Weekend. Can't turn the tide. The world looked different when God was on your side. Qu'est-ce qu'il a celui-là, on se connaît? Fabienne? Comment tu sais que c'est moi? Bah, comment je sais que c'est toi? Bah, je vois ton nom qui clignote sur l'écran, tiens. Excuse-moi. Ça te dérangerait pas de sortir pour aller téléphoner? Ta gueule. Hein? Je parle là. Non, c'est pas toi que je parle. Non, c'est un crétin là, un mongol. Dis donc, oh! Tu sors pour téléphoner ou alors t'éteins ton téléphone? Quoi? Hein? Et achète des coton-tiges alors, il te demande pour la deuxième et la dernière fois, tu peux pas sortir téléphoner à ta pauvre fiasse! I'm in the phone with this one across the hall. On the Telephone, The Nerves, à l'instant dans Roulette Russe, dernier épisode de cette année 2024. Alors malgré leur durée de vie et leur discographie limitée à un seul EP 4 titres, c'était en 1976, The Nerves resteront remarquables pour de nombreuses raisons. À l'époque, ils représentaient l'avant-garde fondatrice de la scène power pop de Los Angeles et leur style se caractérisait par des mélodies nerveuses et mélodique, on vient de l'entendre à l'instant. Après la rupture du groupe, Peter Case, qui est à la basse, et Paul Collins à la batterie, tenteront de prolonger l'aventure sous le nom de The Breakaways, groupe qui aura une durée de vie encore plus éphémère, avant de fonder respectivement The Plimsolls et The Beat. Mais l'héritage le plus remarquable de The Nerves est peut-être la chanson qu'on vient d'écouter à l'instant, Hanging on the Telephone, immortalisée par Debbie Harry et son groupe Blondie, qui transcendra dans l'album Parallel Lines en 1978 la popularité de cette chanson, vendue tout de même à 20 millions d'exemplaires dans le monde, et qui serait sans doute restée à jamais méconnue dans sa version originale. Mais revenons tout de suite à Peter Case avant qu'il ne débute sa carrière en solo. Tout de suite, Oldest Story in the World, The Plimsolls, en 1983, on the oldest radio station in town. Yeah, seeds with some, to find you out there on your own. You say your goodbyes and broke all the ties. It's dumb and dumb to think I tried for you. So now you can feel the season changing. You'll never change, but you're no better than the weather. You're cool, but there's rain in your heart. You've blown like a feather. And that's the oldest story in the world. You lost the key to paradise. That's the oldest story in the world. Did we have it made? Somehow I thought we could remain. If nothing lasts, no one's to blame. And you can't look back to where you got off the track. That's a mystery that will never crack. Just the oldest star in the world. Lost key to paradise. That's the oldest star in the world. Today we gotta set it right. And that's the oldest star in the world. You'll hear it again and again. That's the oldest star in the world. Nothing lasts, no one's to blame. And you can't look back to where you got off the track. That's a mystery that will never crack. And that's the oldest star in the world. Jeu terrible de la roulette russe, il est très difficile de gagner à tous les coups. Néanmoins, afin de mettre un maximum de chances dans son camp, le joueur avisé aura tout intérêt à pratiquer de préférence ce sport délicat avec un imbécile. Yeah. talking to myself just to suggest that I'm selfish. I've been trying to impress that more is less and I'm repressed. I should do it instead. However I look, it's clear to see I love you more than you love me. However I look, it's clear to see I love you more than presque 12h30 à l'écoute du 895 Radio Dio et vous êtes toujours dans Roulette Russe, dernier épisode de cette année 2024. Alors après avoir un petit peu piétiné les plates-bandes de notre ami Gérard et son émission emblématique Pop Dreams que vous retrouvez tous les vendredis de 20h à 21h30, effectivement, c'était un programme, je pense, qui convenait tout à fait à la programmation de Pop Dreams avec The Nerves et les Plimsoul et Peter Case. À l'instant, c'était du tatapoum, comme disait mon ami Lenoir, moi, si je peux me permettre de l'appeler mon ami, puisqu'il a effectivement occupé une grande part de mes soirées pendant de nombreuses années. Donc c'était Getting Away With It, le premier single du groupe électronique, c'est son nom. Les retrouvailles de Johnny Marr et de Barney, réunis pour le meilleur et pour le pire. On va détailler. Nous sommes l'été 89 et la nouvelle avait défrayé la chronique. Deux musiciens surdoués unissaient leurs talents pour ce que d'aucuns imaginaient comme un fantasme. Les guitares des Smiths, donc Johnny Marr, et les synthés de New Order, Barney, Sumner. L'affaire allait être un peu plus complexe que cela en réalité. Le tandem mancunien signait des chansons parfaites pour donner le courage de fouler les dance floors et la mélancolie vissée au corps évidemment. Premier single donc Getting Away With It que l'on vient d'écouter sera un énorme succès et se vendra aux alentours de 250 000 exemplaires. Le premier album du groupe suivra en 91. Les critiques seront plutôt excellentes et le single Get the Message et Feel Every Beat également effectueront un très beau parcours dans les charts. Mais était-il nécessaire de liquider New Order et les Smiths pour en arriver là? Je vous laisse seul juge. Normalement, vous y avez droit à la qualité France. Ah oui? Ah, vous y avez droit, normalement. Vous pouvez demander à la préfecture et normalement, oui. Vous avez l'estampille qualité France. Ah oui? Je suis un t-shirt mal séché qui sent le chien. Je suis une cigarette mal roulée qui se disloque dans ta main. Je suis une roue de secours lisse et dégonflée. Je suis la capture d'écran d'un tweet catastrophique effacé. Je suis la seconde saison d'une série géniale qui s'effondre dès le premier épisode. Je suis une phrase de dialogue dans la bouche d'un comédien français. Je suis un un ministre incompétent, très fier de son bilan. Je suis un humoriste drôle pour une fois dans sa vie. Je suis une basket trouée un jour de pluie. Je suis un premier rendez-vous ennuyeux. Je suis un second rendez-vous tout aussi ennuyeux. Je suis une discussion sans fond, sans but, sans intérêt, informe, inutile et extrêmement désagréable et qui s'éternise. Je suis un nouvel album totalement insignifiant et médiocre, mais très bien noté dans la presse musicale. Je suis la magnifique pochette d'un disque merdique. Je suis un chanteur engagé qui s'endort pendant un débat politique. Je suis un chef-d'œuvre qui n'a jamais vu le jour, faute de budget. Je suis une chanson streamée une seule fois pendant une seule seconde. Je suis un tube que tout le monde connaît par cœur et dont tout le monde a honte. Je suis un refrain moisi devenu générique de la fin du monde. Je suis un poster de J.J. Aline dans une boutique de luxe. Je suis un artiste maudit dans un Airbnb. Je suis un blockbuster qui dure une heure et demie de trop. Je suis un tableau maître mal copié par un faussaire calamiteux et revendu hors de prix à un businessman heureux. Je suis une affaire en or soldé. Je suis un coupon Lidl qui vient d'expirer. Je suis une boîte de caviar explosée sur le sol d'un duty free. Je suis un plan cul qui s'endort. Je suis un sex friend qui désire se marier. Je suis un préservatif périmé. Je suis une discussion dans un vernissage. Je suis une poignée de main molle et visqueuse. Thank you. petit enfant qui voit dans la maison passer les poussières, danser sans en chercher la raison. Qu'ils étaient beaux les meubles, toujours blonds, dans le vestibule, l'immense pendule. À quoi sert de courir sur ça qui n'est plus, qui ne vit ni ne respire, qui ne chante plus? À quoi sert de courir sur ça qui n'est plus? Le reste peut venir, le reste peut venir. Toujours à l'écoute de Roulette Russe, l'émission Grand Écart de Radio Dio à Saint-Étienne. Alors pourquoi Grand Écart ? Parce que si vous êtes à l'écoute depuis un instant, passer des Plimsolls à Electronic, le groupe de Johnny Mer et Barnet, à Michel Cloupe et Gérard Manset, la prise de risque est maximum. Mais j'adore ça et j'espère que vous aussi. Donc pour ouvrir cette parenthèse Qualité France, Antiportrait, le morceau s'appelait Antiportrait, enfin il s'appelle toujours, par Michel Cloupe, une nouveauté donc électro, une fois n'est pas coutume, là encore, qui a été publiée l'été dernier en 2024. C'est extrait du quatrième album des Catalans, Admirable, c'est leur nom, publié sur l'album Dog From Hell, un album d'hommage à des personnalités qu'ils admirent et dont fait partie le Toulousain Michel Cloupe, en compagnie du King, Eric Cantona, entre autres. Auteur, compositeur, majeur, interprète, imbibé de rock, autant que de chansons françaises ou de hip-hop, Michel Cloupe, connu pour son travail au sein du groupe Diabologum, de 93 à 98, développe depuis 30 ans un langage musical original et d'une grande sincérité. Ce morceau, en tout cas, m'a touché. Il y a 6 mois, Michel Cloupe recevait un email lui proposant un featuring, je vais y arriver, sur un instrumental du groupe catalan Tiger Menja Zebra. Étant persuadé qu'il les connaissait, il répond « Ok ». Cloupe écrit alors un texte, fait des edits, échange des fichiers, et ça a donné ce morceau électro que vous venez d'écouter. Un univers qui s'accorde parfaitement à la scansion du chanteur et cette forme d'engagement autant moral que physique. Et puis juste à l'instant, c'était À quoi sert, Gérard Manset. Donc Gérard Manset, là aussi, c'est quelque chose. Un autre insoumis, on peut dire. C'est extrait de son album de 2004 qui est intitulé Langage oublié. Et c'est un artiste français qui a très souvent été programmé par le Black, qui accordait beaucoup d'attention à des artistes qui, en France, avaient une démarche un peu décalée par rapport à ce qu'on appelait la variété. Et pour qui, le Black, il aurait été inconcevable de ne programmer que des artistes anglais. Alors Manset, l'artiste, voyage en solitaire depuis longtemps, discret, voire caché. Gérard a toujours refusé de s'exposer sur scène ou sur les plateaux télé. Et les seuls médias à lui, c'est ses quelques 17 albums égrenés au fil du temps avec plus ou moins de régularité. En effet, depuis la fin des années 60, son œuvre fait le bonheur d'un public fervent, souvent fâché avec le genre humain. Pas le public, mais Gérard, peut-être le public également. Il rêve, il nous raconte, il cauchemarde. Et dans ce langage oublié, la musique de Manset est dans la continuité de ce qu'il a fait précédemment. Guitare grinçante, voix déchirée, cachée dans un vague écho. Un style d'un autre âge, diront certains, ou moi je dirais plutôt un style intemporel qui n'a pas pris la moindre ride. Et puis, on va refermer cette capsule Qualité France avec un bonus onirique pour commencer à rêver d'une année 2025 tout en douceur et apaisée. Imaginez-vous sur un toit en train de vous promener et de discuter football et poésie avec une sorcière. Hier, j'ai parlé avec hier, on a discuté. Alors elle m'a transformé en chat. Alors elle m'a transformé en chat. Comme ça, petit roux tigré, les dents cassées, jambes, chat de gouttière. Depuis je me promène sur les toits. Depuis je me promène sur les toits. Je crie, c'est moi, vous ne me reconnaissez pas. Avec ses petits airs d'arbre en fleurs, avec ses petits airs d'arbre en fleurs, j'ai eu envie de lui grimper dans les bras, voilà. But it's hard to be a cat in this fucking town. La métamorphose de Mister Chat, une autre surprise de cet épisode 4 de Roulette Russe. But it's hard to be a cat in this fucking town. Mathias Malzieu, alias Dionysos, dans une version rare et remixée, sortie dans sa version originale en 2005 sur l'album Monster in Love. 12h46, toujours sur le 89.5 de Dio. Que vous soyez de retour des courses pour le réveillon ou tranquillement posé en train de déjeuner, de préparer votre déjeuner, de faire vos paquets cadeaux. Vous êtes bien, vous êtes posé et vous écoutez Roulette Russe. Vu l'ambiance, je suppose qu'on va encore avoir une belle journée de détente. What I should. When Day Sir Was sur l'album Let the Morning Come en 2021. Alors Sir Was, c'est l'histoire d'une renaissance. 2020 devait être une grande année pour Joel Westberg, aka Sir Was. Après Holding Onto a Dream en 2019, son deuxième album, le multi-instrumentiste suédois allait assurer la première partie de Little Dragon à travers l'Europe et les États-Unis lorsque la pandémie s'est imposée. Il décide alors de consacrer toute son énergie à l'écriture, mais en août 2020, des tests révèlent qu'il est porteur d'un gène d'une maladie héréditaire rare provoquant des attaques cérébrales incontrôlables. Résultat, The Morning Come est un album plus contemplatif, les grooves sont plus lents, les synthés plus élégants, et il s'en dégage un calme, une sérénité, pour vivre pleinement et de façon authentique chaque nouvelle journée qui commence. On reste dans le calme et la sérénité avec la sublime voix d'Harriet Wheeler. Can't Be Sure, The Sundays dans Roulette Russe épisode 4 sur la plus hypnotisante des radios stéphanoises. miserable weather. But England's as happy as England can be. White war. Sure, The Sundays, vous êtes toujours à l'écoute de Roulette Russe pour quelques instants encore jusqu'à 13h. Et pour s'approcher tout en douceur de cette fin d'émission, nous allons nous attarder quelques instants sur l'un des groupes les plus talentueux et créatifs de ces 30 dernières années. Je veux parler de Radiohead. Alors si vous le trouvez encore sur le net, je vous recommande au passage un documentaire qui a été diffusé sur Arte en 2019 qui s'appelle Le Monde selon Radiohead. Oh, il n'est pas nécessaire d'être un grand fan de Thom Yorke et de ses camarades de lycée pour regarder ce doc. Son visionnage est même vivement conseillé aux auditeurs qui ne connaissent pas bien le groupe et qui en sont restés à leur tube Creep, un titre qu'ils se refusent d'ailleurs de jouer maintenant. Et pour comprendre sa musique, effectivement, c'est assez explicite ce documentaire. Certains la trouvent dépressive, cette musique. Ce qui n'est pas mon cas. De Pablo Honey en 1993 au dernier album studio intitulé A Moon Called Chapel, qui date déjà de 2016, le réalisateur Benjamin Clavel repasse les thématiques et les moments marquants du groupe, qui a vendu 30 millions d'albums dans le monde. Un rock band qui, à mon avis, tel que Pink Floyd dans les années 70, a été pionnier dans bien des domaines, notamment dans la création d'un univers imagé et poétique, tout en fusionnant le rock et l'électronique. Alors juste avant d'écouter le prochain titre, je vous raconte brièvement l'histoire de la sortie du 7e album de Radiohead. L'action se déroule en octobre 2007. Déçu par l'industrie du disque, le groupe n'a plus de contrat discographique avec EMI. Plutôt que d'en chercher un autre, Thom Yorke propose sa nouvelle création directement en ligne, à télécharger, contre un don laissé à la discrétion de l'acquéreur. Il s'en écoulera plus d'1,2 million d'exemplaires. 3 mois après ce coup marketing aux allures de révolution, In Rainbows sera mis en vente en version CD. Weird Fishes RPG Radiohead sur le 895 de Dio. Yeah. C'est-à-dire qu'éventuellement, si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager de conclure. Oui. Enfin, vraiment, s'il n'y a plus espoir, oui. Bon, alors on va voir ça. Et 13h02 à l'écoute de Roulette Russe épisode 4 pour boucler cette année 2024. Il est l'heure de rendre l'antenne. On se quitte sur All I Need, toujours Radiohead, sur l'album In Rainbows. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette heure de musique, pas comme les autres, que Thelma et moi en avons pris à préparer et animer cette émission. Un grand merci à Radio Dio pour nous avoir confié les clés du studio en toute liberté. Un grand merci à Thelma à la technique aujourd'hui et pour les prochains épisodes, j'espère. Enfin, un grand merci à vous, chers auditeurs, qui avez suivi cette émission modeste, mais néanmoins géniale. Roulette Russe vous donne rendez-vous, comme d'habitude, le 4e samedi du mois de janvier, et plus précisément, le samedi 25 janvier 2025. De 12h à 13h pour démarrer une nouvelle saison où tous les coups seront permis. D'ici là, prenez soin de vous, terminez bien l'année et surtout prenez du plaisir en écoutant de la musique. Caresses et bis à l'œil. Rendez-vous à demain matin pour notre prochaine émission. Reprenez l'écoute à 11h. Radio Dio, Radio Dio, 89.5 FM. يا دني دني دني دني دني يا لالا انا وزيلي في جبل الله قصر النوار